dans la portion Nouvelles Entrées des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 23 au 29 octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Eh oui, on est là pour une nouvelle semaine. Encore une fois, on n'a pas de portion mishmash cette semaine. Non, c'est vrai. J'étais malade hier. C'est des choses qui arrivent. On peut pas tout arriver à faire parfois. C'est ça, exactement. Il faut couper à un moment donné. Et ça fait 3 semaines qu'on n'a pas de quatrième heure. Que voulez-vous? Ben ouais, c'est on s'excuse. Un jour, on va faire des émissions de 4 heures comme d'habitude. Parfois. C'est pas grave. Ça veut dire que, étant donné qu'on n'avait pas d'émission lundi, on va reprendre cette portion de Nouvelles Entrées aujourd'hui en ce mardi. Donc, il y en a 5 de chaque côté. Plus tard, on va entendre The Bar Brothers, Pierre Quenders, Busty and the Bass, The Soul Jazz Orchestra ainsi que Milk Belly. Tout à l'heure, on devrait entendre Canaille, La Bronze, Zen Bamboo, Félix Diot, mais on commence tout ça avec Sherry. Et Tragédie en Tuxedo. T'as dit Sherry. C'est bien ça. C'est donc bien beau ça. Même avec nos voix là, en ce moment. Je sais, hein, on a tous les deux de très belles voix. Ouais, c'est adorable, comme on l'appelle. Un hashtag not. Exactement. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Entrée. We'll be right back. d'Arsala m'a rappelé les larmes de nos vieux chagrins. Tu perles sur mon visage. Si je demeure immobile sur ce rivage, les peines en surdose paralysent si bien. Voilà pourquoi je entrée. We are all in the same system that's exploiting us, that is taking advantage of everybody. Now that's the whole story. You have those working with the system getting fucked by the system. You see, it's dumb, it's dumb, it's dumb. The Western society became the imperial power. Thank you.

fait. Take a leap with you now. Oh, honey, I wanna know. Can we get Rusty and the Bass. Et la pièce Up Top, nouvelle entrée en 18e place anglophone sur leur album, le plus récent, qui vient de sortir là, au mois de septembre. Je l'avais pas sous la main, j'ai pas le nom de l'album finalement, Colin, ça fait normal dur tout ça. Tristesse, ouais. Pendant que du côté francophone, eh bien c'est de l'album Simone, Mathieu, ouais. Dont je te parle, de Zen Bamboo, avec la pièce Poupée Vaudou. C'est Common Ground, le nom de l'album. Ouais, je sais. Je me fiais sur ma feuille, mais c'est pas écrit. Donc, évidemment, on connaît Busty and the Bass pour le fait que c'est un groupe à 9 membres. Oh, mon Dieu, OK, il y a du monde à la messe. Et là, je suis en train de chercher, mais c'est quoi un polygone à 9 côtés? T'sais, on parle tout le temps d'un octogone. On parle... Ouais. C'est un nonagone. Un nonagone. Ou un énéagone. Tu vois, je ne connaissais point. Un énéagone, ça fait genre... un sein à fusil, là. Un éléagone. Oui, bon, comme Janet Jackson dans le cadre du Super Bowl, il y a une couple d'années. Ils prennent Justin Timberlake, ils lui ont pardonné. Exactement. C'est cute. Du côté de Zen Bamboo, Mathieu, eh bien, ouais. On vient de Saint-Lambert, en Montérégie, et c'est la bande sonore officielle des Mauvais Coups, selon le Ben. Oh! OK, oui. Eh bien! Bon, ben voilà pour ça. Il nous reste encore 4 nouvelles entrées. On va continuer tout de suite avec les positions numéro 17. En anglophone, c'est Pierre Wenders avec Bittersweet Mornings, qui vient d'un autre album qui n'a pas de titre sur la feuille. Et du côté francophone, eh bien, on retrouve une qu'on aime. Voici La Bronze avec On Danse par en dedans. Ah, ça va être bon, ça! On adore ça! C'est les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Mais ça... Tu m'as aimé dans un bain de sang. Tu nous as léchés avec tes gros coupants. Tu voulais me sombrer avec toi, mais je dansais avec Dieu. Thank you.

super lapidé, puis l'on poulet, s'il vous plaît, tire, de nous laisser manger tranquille, on se lève de notre hiver, la conquête du crème à gravy, grave la ticket, au bord du maillot, du gosse, c'est payant, c'est guéri, c'est évident, je remarque, je remarque, je remarque, je remarque. Regarde-moi pas, je suis trop content. J'suis brûlé, j'suis brûlé, j'suis brûlé, c'est coudon, coude à côté, qu'est-ce qu'on fait donc? À qui qu'était canette, à kimono, est-ce pas ta coude bâton? Barré en kilos et en cabinet dans le salon, quel aurait-on? On avance à reculons, s'assoit dans nos fitons, puis putain et des pitons. Pokémon, puzzle, Pokémon, nos souvenirs de cassette, de s'ouvrir, nos souffrettes, quelque chose de piger des manettes. Y'est du tôt, y'est du tôt, scotte un corbillard pour décoller du vélo! J'ai brûlé jusqu'au genou. Nouvelle entrée. I was wrong and I heard you right. Brothers, It Came to Me. C'est la position numéro 16, la dernière nouvelle entrée en anglophone sur l'album Queens of the Breakers. Et du côté francophone, eh bien, on a terminé tout ça avec Canaille, puis Chou Brûlé. Hey! Rien de moins. Chou Brûlé ou Chou Brûlé? Chou Brûlé. OK, parce qu'un Chou Brûlé, je sais pas. C'est pas la même chose, ça donne pas le même effet. C'est comme des chips avec le kale. Pareil. C'est ça, ouais, exactement. Il nous reste quoi, une quinzaine de minutes à l'émission, mais c'est parfait. Ça veut dire qu'on a le temps pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés pendant un bon petit bout de temps. Voici Palme, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur. cabarets depuis la période du 16 au 22 octobre 2017. Ah, oh, quelle tristesse! Oui! On a commencé avec L'Homme pâle et la pièce Yeux d'Ise qui a duré 4 semaines. L'Homme pâle qui, je crois, a brûlé en quelque part. Il était pâle, il est rendu foncé. Oui, c'est ça, exactement. Mathieu, je vais te laisser continuer parce que malheureusement, ça load pas sur mon ordinateur. Ah, ben mon tadine. Alors, on a continué avec Tire le coyote qui s'est fait abattre avec tes bras comme une muraille qui a duré 4 semaines. Les Michel, je sais pas, ont remis leur bas avec Tôle froide qui a duré 7 semaines. Catherine Leduc a gelé ben raide avec Rien comme le froid qui a duré 7 semaines. Daze est partie depuis longtemps. Long Gone, version française qui dure 7 semaines. The Andy Kaufman avec Inked Heart est resté là pendant 5 semaines. Milk and Bone, Daydream, seulement 2 semaines. Ça me surprend, Ouais. Je suis surprise. Et mise en scène. Tu es surprise de ça? Je suis très surprise, Mathieu. Ça me scie les deux jambes. Mise en scène avec Closer et restée là pendant 7 semaines de son côté. Ensuite, Faith Healer a arrêté d'attendre et est partie finalement. Hein? And Waiting qui a duré 5 semaines. Et comme tous les bons Québécois, Raised on TV est resté au palmarès pendant 5 semaines avec Shower, Work and Repeat. Ouais. Tantôt, j'ai dit que tu étais sur le cul. Toi, tu as dit ça m'a scié les jambes. Ça revient au même, finalement. C'est la même chose. Jambes, c'est ça, exactement. C'est ça. Il nous reste de la place pour une dernière petite pièce. Et on était rendu en francophone, pardon, à la position numéro 15 qui descend de la 6e place. Certainement, c'est Paupières avec Different Lune de Miel. On revient après ça pour se dire bye. Il essaie de sortir sa phrase, mais ça n'a pas vraiment sorti. Ce soir, la lune est pleine. Sont lèvres rouges, rouges à lèvres. Ce soir, elle a la fièvre. Elle ignore son Des feutres, lune de miel, paupières sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Et voilà, c'est là-dessus qu'on termine la portion Nouvelles Entrées des Palmarès C'est Fou. On se retrouve la prochaine fois pour la portion Top 10. On va voir donc les positions 10 à 6, hein? C'est comme ça que ça se passe. Exactement. Rafale, édition week-end les samedis à partir de midi. Et on est en semaine du lundi au jeudi entre midi et 13h. Merci Tania. Merci à toi Mathieu. À bientôt. Bye.